arrivée. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la But it's happening in Toronto. You're listening to CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. The name of the show is Suppression. I'll be playing some French language punk, ska, and hardcore for you until the end of the hour. It's going to be a great show, the first show of 2011, so stay tuned. C'était Marabouts avec 2012 de leur album PPTAL. Salut, vous écoutez Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. Et c'est bien sûr la première émission de Sous Pression de la nouvelle année, de l'année 2012. Alors c'est bien pour ça que j'ai fait jouer la chanson 2012 par Marabout, si vous ne l'avez pas encore figuré, si ce n'était pas assez clair. Alors, ce sera une bonne émission. L'année de 2011 a été une bonne année pour Suppression. On a fait un bon nombre d'entrevues. On a fait jouer, bien sûr, de la bonne musique. Et on a fait la programmation spéciale pour vous, pour marquer plusieurs événements. Et la semaine prochaine, on fera aussi un peu de programmation spéciale. Ce sera le top 5 du punk, ska, du hardcore et bien sûr du oi francophone de l'année 2011. Alors, assurez-vous d'être à l'écoute de Suppression la semaine prochaine. Je vais continuer parce que vous êtes ici pour écouter de la musique. Je continue avec une autre chanson. Cette chanson un peu plus vieille que la chanson qu'on vient d'écouter de Marabout. C'est du Brigada Flores Magón, de leur album éponyme, la chanson Ligne 2, ici à Sous Pression. caché. Son cou est un poil de poil d'araignée. Sur son front, il y a marqué qu'il est frère en France. Et son bras, un dragon, un soldat casqué. Car il sait que pour lui, il n'y a pas trop de cimetière. Il n'y a pas de place pour sa gueule au palais d'Élysée. C'est qu'il est un français parmi tant d'autres, pas plus con, pas meilleur, rien du français. Parmi tant d'autres. Elle a les yeux comme un drapeau noir, elle a la peau comme un clair de lune. Quand tu la prends dans tes bras, tu peux entendre son cœur qui bat. Car elle ne connaît qu'un seul métier, et c'est celui de se faire aimer. Elle sait qu'elle n'est qu'une française parmi tant d'autres, un petit coin de famille, rien qu'une française parmi tant can't find nothing on the radio. CHRY. Yo, turn to that station. 105.5 FM. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter du Jeunesse Apatride avec la chanson Clocher tirée de l'album Larmes au poing. La souris déglinguée avant ça avec Saint-Sauveur. Et on a commencé le bloc avec du Brigada Flores Magón, la chanson Ligne 2 de, tirée de leur album éponyme. Il est sorti plus de 10 ans là, maintenant, je crois. C'est ça, vous écoutez Sous Pression, je fais jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français jusqu'à la fin de l'heure. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je vous offre cette petite information. Je vais continuer maintenant en musique avec un groupe québécois, l'équipe, qui a sorti leur EP déclaré forfait l'année dernière, 2011. Je vais faire jouer la première chanson tirée de cet EP-là, c'est un bon EP. Félix du groupe, l'équipe, a été assez gentil de venir nous donner une entrevue au mois d'octobre dernier. Alors, je vais faire jouer la chanson Forfait par l'équipe ici à Sous Pression. Thank you. ça va de bon sens. Qui veulent toujours se dépenser, nous faire dépenser de l'argent à la boutique des Léos. Parce qu'une heure des liseurs, la livraison gratuite, si vous avez tout fait. Avec des photos qui changent en petits trous de peau. Ils parlent de régime bien en pleine sans livre en 7 jours. Les érratiques avec des filles en radio. Et tu casses la minute, un heure sans bololo. Gros cochon. Avec le choix du public, mais il joue pour mettre des annonces. Pas que le budget des fonds, c'est rendu tellement con. La télé est fermée, la radio joue dans le salon. J'oserais plus la regarder. Écoutez toujours sous pression en zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter dans le dernier bloc du. On a commencé avec l'équipe, la chanson Forfait tirée de leur EP déclaré Forfait sorti il y a quelques mois. Pardon, là, je m'essuie le nez parce que mon nez il coule. Alors, après ça, on a écouté Amnésie, la chanson Clan de haine de leur album Protection de la jeunesse. Mauvaise graine, après ça, avec Interdit de penser de leur album du même titre. Les Lubards avec TV Show, après ça, de leur album éponyme. Et on vient d'écouter Les Orties et Aversion patriotique de leur EP éponyme. Alors, sorti cet album-là de Les Orties, sorti sur Solitude Urbaine. Alors, l'émission est à... On est environ à la mi-chemin de l'émission. Alors, je vous rappelle, c'est le temps. Environ où je vous rappelle que l'émission Sous Pression a un site web. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. Vous pouvez la télécharger en format MP3 aussi. Comme ça, vous pouvez l'écouter n'importe quand et n'importe où. Vous pouvez l'amener avec vous autres. L'adresse du site web, c'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. www.aimerlaradio.com. On est aussi sur Facebook. Fait aimer l'émission ou la page de l'émission sur le www.facebook.com/sous-pression. Alors, le facebook.com/sous-pression. Et on est aussi, vous pouvez aussi nous contacter par courriel au sous-pression@chry.fm. sous-pression@chry.fm. Et vous pouvez nous envoyer des demandes spéciales, des commentaires, des plaintes, même si vous voulez ou si vous faites partie d'un groupe et que vous aimeriez, vous pensez que votre musique aurait sa place ici à Sous Pression, envoyez-nous un courriel et on s'arrangera. Alors, je continue la musique. Maintenant, j'ai goût d'écouter du reggae, du ska. Alors, je vais faire jouer du 8-6 Crew, la chanson Jibbers de leur album Old Reggae Friends. Après ça, je vais faire jouer une chanson par L'Escalope. Alors, voici du 8-6 Crew à Sous Pression. Je suis en train de me faire un peu de temps. We'll be right back.

où les clones se confondent. Toi tu n'es pas le feu qui manque pour être heureux. Tu l'agis trop souvent comme le frère en enfant. Tu penses avec ton cœur, tu ris comme tu pleures. C'était Banlieue Rouge avec Comme une flamme trop forte tirée de l'album Engrenage. Notre temps ensemble sera malheureusement à sa fin. Mais je vais faire un petit rappel. Avant de vous quitter, je vais faire un rappel des chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. On a écouté du Banlieue Rouge, comme je viens de dire, Enfant de l'orage. Les Partisans avant ça avec Réveille-toi. Les Caméras Silencieuses avant ça avec Comme hier tirée de l'album Rien qu'en traînant. Impact avant ça avec Jamais seul, L'Escalope avec Faux semblant et on a commencé le bloc avec du 8-6 Crew et Jibbers. Alors, on se voit la semaine prochaine. Assurez-vous d'être à l'écoute parce qu'on fera le top 5 du punk, du ska et du hardcore francophone de 2011. Ça sera une excellente émission garantie. Passez une excellente semaine.